Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, on va réchauffer l'atmosphère pendant ces 2 heures avec du métal en fusion. Croyez-moi, il y en aura. On aura bien sûr des nouveautés au nombre de 4. Je vais vous parler un petit peu aussi du fabuleux concert que Deep Purple nous a donné vendredi soir au Zénith à Paris, qui nous montre encore une fois de plus que l'heure de la retraite, c'est pas encore pour tout de suite pour ces vétérans. Et puis aussi, on va un petit peu voyager, puisqu'on va se passer des groupes venus du Mexique, de l'Équateur, du Liban, enfin bref, de plein de choses. Enfin, vous connaissez l'émission, donc vous savez qu'on va faire... C'est un voyage à travers le temps et l'espace également, Electric Shock. Eh bien, d'ailleurs, tout de suite, on va commencer avec le live de Def Leppard. C'est des DVD live at the Leadmill, encore enregistré à Sheffield l'année dernière dans un petit club où ça permet donc d'apprécier donc la grosse machine qu'est Def Leppard dans des conditions vraiment brutes de chez brut, comme à leur début. Et on va se faire, non pas des classiques, mais plutôt des morceaux assez méconnus, comme par exemple ce Slang, qui était extrait donc de l'album du même nom, album qui n'avait pas tellement marché à l'époque, mais bon, on va dire que c'était un album assez courageux quand même, de la part des petits gars de Sheffield. Allez, tout de suite, en live, Slang, ça nous donne ça. Get again. extrait donc de Diamond Star Hallows, qui était le dernier album studio de Def Leppard, mais là c'était version live qu'on peut trouver donc sur le CD DVD One Night Only Live at the Dead Mill, qui était disponible en vinyle lors du Disquaire Day juste avant Kick. Extrait de ce même album, le morceau Slang. Et on va se faire maintenant quelque chose d'un petit peu plus brutal avec la première nouveauté de la soirée. Je vais vous présenter un groupe qui s'appelle The Down Razor. Alors c'est un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui existe depuis 2016, qui vient de sortir donc son deuxième album. Même si on peut dire que le groupe c'est quasiment un one man band, mais bon. Et alors c'est un mélange de death metal, de black metal aussi par moments, tout ça quand même assez technique et mélodique malgré tout. Alors sur cet album, il y a aussi quelques reprises de Children of Bodom, de Dim Borgir, entre autres. Donc tout ça, ça nous donne quand même un travail très intéressant, comme vous allez pouvoir le juger sur ce deuxième album qui s'appelle In Sublime Presence, qui est sorti donc fin septembre. On va se faire un petit décrassage auditif avec le morceau Refuse Tomorrow. We'll be right back. La colère des dieux, plus exactement en japonais, Kami no Ikari, donc extrait donc de leur premier album See You in Hell, sorti début octobre, c'était Godly House, et juste avant donc aussi de la région parisienne, première nouveauté de la soirée, The Dawn Razor, et aussi leur deuxième album In Sublime Prison, c'était Refuse Tomorrow. Ah, ça arrache ça, si vous restez un peu de cérumen dans les esgourdes après ça, je crois pas que je peux faire grand chose pour vous. Là on va changer complètement de style, et bah tiens, samedi soir, il y a une légende du rock français qui vient jouer donc à l'Astrolabe à Orléans. C'est FFF, non pas la Fédération Française de Football, non, dont on entend parler un peu trop en ce moment à mon avis, la Fédération Française de Funk, le groupe mythique des années 90 qui faisait un rock fusion percutant et qui est de retour maintenant depuis quelques années et qui donc vient rendre visite chez nous à Orléans. Et bon, ben, n'essayez pas d'avoir des places, c'est complet. Et ben, on va se faire un petit extrait donc de ce rock fusion dont était un des précurseurs, avec leur seul live qui était sorti en 1997, qui s'appelait tout simplement Vivant. Et on va se faire un de leurs grands morceaux qui s'appelle Assez de haine. Yeah! manque. Assez de haine. J'ai besoin d'entendre le son de vos voix. Assez de haine. Comment guérir. Assez de haine. Comment guérir. Assez de haine. Comment guérir. Assez de haine. Assez de haine. Comment guérir. Assez de haine. I'm Colour avec Song Without Sin. C'était un extrait de son album live The Paris Concert, sorti en 2009 et enregistré dans la mythique salle du New Morning en 2007. Juste avant, Pure Fusion aussi avec FFF et son unique album live Vivant, sorti en 1997 et enregistré aux Eurockéennes de Belfort cette même année. C'était le morceau AC2N et FFF, donc, qui sera en concert donc samedi soir à l'Astrolabe. Voilà, bah tiens, on va rester en France avec ce que des nouveautés de la semaine dernière, que je vous ai présenté donc de la série Faisons du neuf avec du vieux, avec la réédition d'un groupe savoyard qui s'appelle Soho, qui a sorti un album au début des années 90 qui s'appelait donc De Profundis en autoprod. Du coup, le groupe n'existe plus depuis longtemps, s'est reformé, enfin bref, une histoire assez compliquée comme pour beaucoup. Et là, le label Steel Shark, qui malheureusement n'a qu'à défaut, ben, ses productions, c'est quand même à des exemplaires très très limités, donc c'est pas évident à trouver, a décidé donc de rééditer cet album, donc une perle donc de l'underground du métal, donc de ces années-là. On va se faire donc un extrait de cet album, c'était le morceau Gare au Chourineur, on va se faire ce soir. We'll be right back. Gare aux Chourineurs, ça c'était So, avec leur album De Profundis, un album initialement sorti au tout début des années 90 et qui est maintenant à nouveau donc disponible car c'est une réédition. Comme je vous le disais d'ailleurs en tout début d'émission, pour moi le mois de novembre est plutôt bien commencé puisque vendredi donc j'étais revoir une fois de plus la légende britannique Deep Purple, qui nous a donné encore une fois de plus une belle leçon de courage et de musicalité. Vraiment, on peut dire que c'est un groupe dont le poids des ans ne se fait pas vraiment sentir. Et le groupe nous a délivré donc un concert somptueux, où c'est vrai que Ian Gillan était à la peine par moment, mais enfin bon, quand on connaît les capacités que demandent les chansons de Deep Purple, c'est pas évident, surtout à son âge. Et en tout cas, une chose est certaine, il n'y avait pas de bande enregistrée pour essayer de l'aider. Non, là, c'était vraiment du live. C'est vrai que le début de Highway Star faisait craindre le pire. Puis non, au fur et à mesure, le bonhomme s'est repris et nous a délivré vraiment une très, très belle prestation, ainsi que tous ses compères. Et on peut dire maintenant que Simon McBride est vraiment bien intégré. Enfin, c'était déjà le cas quand j'avais trouvé il y a 2 ans, je les ai vus. Et c'est vrai que je trouve qu'il a un jeu qui s'adapte peut-être mieux que celui de Steve Morse, qui était peut-être plus jazzy. Mais bon, par contre, il n'a pas le charisme qu'avait le guitariste blond. Mais enfin, il s'en sort très très bien quand même. Et surtout, moi, ce qui me faisait un petit peu peur, c'est que je me dis, oh, Deep Purple, maintenant, ils vont plus se fatiguer, ils vont nous jouer des classiques, les morceaux qu'on a envie d'entendre, et ils vont jouer 2-3 morceaux du dernier album, histoire de dire qu'on en joue, et en fin de compte, pas du tout, puisque cet album a été quand même, il y en a eu 6 extraits qui ont été vraiment joués, et qui se marient à merveille avec le répertoire classique, donc vraiment une bien belle soirée. Donc, comme il n'y a pas encore de live avec Simon McBride, je m'étais dit qu'on allait revenir à l'album Equal One. On va se faire un morceau qui a été joué donc pendant le concert et qu'on n'a pas encore diffusé. C'est Now You're Talking. On s'en met un petit peu dans l'ambiance. There's a whole lot of bodies, kinda hard to tell. Could be a menage or many from hell. And I don't know who's doing what to whom. Surely they're doing it well. Whatever does you good, lifts your skirt, gets you down, unbuttons your shirt, wakes you up, turns your head, hits the spot. That guy from the dealership, you can't be still. He's bouncing up and down all the time. In the kitchen full of virtue and compassion, you hear that righteous whine. A bunch of picky midges swiveling on the digits and dumb and then the embers there. Oh, what a mess, Jesus, they don't need me. Whatever happened to my head? Whatever does you good, lifts your skirt, gets you done, and buttons your shirt, wakes you up, turns your head, hits the spot, man. Now you're talking. Whatever does you give, lift your skin. talking. Good. et Mary Jane, ça c'est Blackstone Cherry, extrait de leur album Magic Mountain qui était sorti en 2014. Et Blackstone Cherry qui sera en concert demain soir à l'Olympia pour une soirée qui promet vraiment d'être explosive. Ça je pourrais vous en dire deux mots la semaine prochaine puisque demain je verrai donc les applaudir. Juste avant Blackstone Cherry, la légende Deep Purple et son nouvel album Equal One, et c'était Now You Are Talking. On va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée, avec le guitariste Haroun. À l'origine, donc, c'est Haroun Demiraslan, ce nom vous dit quelque chose, puisque c'était le guitariste fondateur de Trépalium, groupe de death progressif qui avait quand même fait 6 albums entre 2004 et 2020. Et depuis, il participe à plein d'autres projets complètement différents. Il a déjà fait un album solo, il y a de ça 2 ans, qui était un album instrumental, mais là, il a décidé de faire quelque chose de plus personnel, d'un album post-grunge et new wave qu'il a appelé Reboot, façon de dire que recommencer à zéro. Enfin bref, je pense que c'est quelqu'un qui va pas fini sa carrière et qui va nous faire des choses très intéressantes et très différentes à chaque fois. Donc sur cet album qui s'appelle donc Reboot, sorti le 25 octobre, et ben il y a un petit morceau qui s'appelle tout simplement Sleep. Mais même s'il n'est pas le temps encore l'heure de dormir, il faut attendre au moins jusqu'à 21h quand même, parce que bon, Electric Shock, c'est jusqu'à 21h. Puis non, quand même, restez après, parce que sur Radio Arc-en-Ciel, il y a Electro Live aussi pour faire bouger le popotin. Et en attendant, malgré tout, le morceau, c'est quand même Sleep. Thank you. I'm wrong, if I'm going straight to the wall. For now I have been feeling like I'm not the one in control. Would you share all your dreams, your nightmares, your pain? I am so glad you're here with me on my journey through hell. Extrait donc du EP de Saturne Secrets à l'instant, et juste avant c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée avec Haroun, l'ancien guitariste du groupe Trépalium, et son deuxième album solo qui s'appelle Reboot, c'était le morceau Sleep. Et il est déjà 19h56 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui, déjà presque une heure d'Electric Shock déjà de passer. C'est vrai que le temps passe très très vite. Je vous rappelle donc, Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Bah tiens, on va se faire un petit peu de méchant, de punk, mélange de rap, de hardcore, avec Fever, Free Free Free, et leur nouvel opus, Darker White. Et on va se décrasser un petit peu le cerveau avec Bull and Bullet. I did them with black faces, then label it black crime. Now them's just a few cases. They profit off blacks dying, headlines, whitewashed, baptized. From the plantation to incarceration. Y'all made all your money with our bodies ripped and chained up. Now we making money, talk about our whips and chains, huh? I am not a slave to the system that was made to condition white people to keep colors in their place. White nation under God, brings to America. Echo through the yard. I am never gonna reality. And if you don't know, this system is bogus. You ain't on my team. Is this whole culture naive, hope for people that don't wanna believe social paradigms and they show signs that a dogmatic beliefs to be the purpose. I did I all right? Oh, you know I'm alright. So I ain't cool, get in line, cause you're right. Qui ne change pas, hein, toujours aussi adolescent 30 ans après, avec leur nouvel album Supercharge, c'était Looking Out for Number One, juste avant les fourrures de Fever, Free Free Free, et leur album Darker White, c'était Bull and a Boulette. On va passer quelque chose de beaucoup plus blues, et une belle découverte pour Electric Shock. C'est le deuxième album des Parisiens de Little Odetta, Little Bit of Soul, mélange de rock, de R&B, avec une chanteuse vraiment gorgée de feeling. On va se faire le morceau qui donne son titre à l'album. take off your hands, you're hurting me. This is a scary place to be. I miss the high I felt before. We hid in silence, feeling small. Turn around and let me feel the ground beneath me. Hate the way you paint me black. Kick me when I'm feeling bad. You will always hold me back. And it fucking drives me mad. Holding me back. Holding me back. How it fucking drives me mad. Painting me black. And then you're pushing me back. How it fucking drives me mad. I can't go out there watching me. I'm just a guest, but I can never leave. The waves are crashing underneath. Just let me breathe. Hate the way you paint me black. Kick me when I'm feeling bad. You will always hold me back. I went fucking drive me mad. Holding me back. Holding me back. How it fucking drives me mad. Painting me black. And then you're pushing me back. Oh, how it fucking drives. Un petit moment qu'on n'avait pas passé, un petit extrait de Birthday, le dernier album des Suédois de Blue Spills, qui est pourtant vraiment excellent. C'était Holding Me Back, juste avant une belle découverte avec Little Odessa et son deuxième album Little Bit of Soul. Et bien c'était donc le titre qui donnait son titre à l'album qu'on s'est fait ce soir. On va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec un tout jeune groupe qui nous vient de la région parisienne qui s'appelle Oda, qui existe depuis 2019. Mais ils ont préféré mûrir un petit peu avant de sortir un album, ce qui est le cas là maintenant. Donc il est sorti là, il y a quoi, trois semaines à tout casser, qui s'appelle Bloodstained. Alors ils se décrivent eux-mêmes comme un Memento Mori, un voyage psychédélique entre sonorités éthérées et grondements démoniaques venus d'outre-tombe. En fait, j'appellerais plutôt ça un stoner assez rock quand même. Assez psyché aussi, très influencé par Black Sabbath, Monolord, ce genre de choses. C'est bien foutu, même si je trouve que ça manque un petit peu de personnalité. Bon, il faut reconnaître qu'ils sont tout jeunes et que c'est leur premier album, donc c'est quelque chose qui est à développer. Vous allez pouvoir juger sur place avec Rabid Hall. Thank you. bien glauque tout ça. C'était donc la troisième nouveauté de la semaine, les Parisiens de Oda et leur premier album Bloodstained. Et là, on a eu Rabid Hall. On va passer quelque chose d'un petit peu plus rythmé avec faire un petit tour en Belgique. Retrouver Vision et son EP Master of Laws que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc mélange de métal symphonique et de power metal. On va s'écouter le morceau Origins. Lions and wolves. êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, il est déjà 20h28. Ça veut dire que la dernière demi-heure d'Electric Shock, c'est pour bientôt Electric Shock. Donc, tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, venu du Liban, c'était le groupe Zix avec son unique album Tides of the Final War sorti en 2016. Et c'était le morceau Buyer of Souls. Juste avant Zix, venu de Belgique, et beaucoup plus récent puisque c'est sorti fin septembre, les Belges donc de Vision avec un Y et un Z, et leur premier EP Master of Law, c'était donc le morceau Origins. On va se faire une nouveauté, donc la quatrième de la soirée, avec un groupe qui nous vient de Franche-Comté du Jura, qui s'appelle BIS. BIS, mais B-Y-2-S-H-E, en hommage donc au poète anglais Percy Bysshe Shelley. Donc, mélange de poésie, de rock psychédélique, de plein de choses assez différentes. Alors, c'est un groupe qui existe quand même depuis 2015. Et là, c'est quand même leur troisième album qui s'appelle La Sibylle sur le sable. Donc, qui donne son titre donc, à l'album, qui est un morceau d'ailleurs très long, qui fait plus de bonnes dizaines de minutes. Mais il y a des choses plus rock, plus abordables, comme par exemple ce Spellbind Me qu'on va se faire maintenant. She Doesn't Exist, et bien c'est un titre des Sex Shop Mushroom de leur premier album God Doesn't Exist. Et juste avant les Sex Shop, c'était tout simplement Bis, du nom donc du poète Percy Shelley, et le morceau Spellbind Me, extrait donc de leur troisième album La Sibylle sur le sable, et c'était également la troisième nouveauté de la soirée. Maintenant, je vais vous emmener faire un petit tour loin, très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on va aller faire un tour en Équateur. On va découvrir ou redécouvrir, puisque c'était une des nouveautés la semaine dernière, le groupe Midnight Race. Alors Midnight Race est un groupe donc équatorien qui pratique un traditionnel heavy metal typique de ce qui se faisait dans le milieu des années 80, ce qu'on n'appelait pas encore tout à fait le thrash, le heavy speed. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'amateurs pour ça, et d'ailleurs il y a beaucoup de labels qui font dans ce genre de choses, comme par exemple Steel Shark, dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, c'est justement une des nouveautés donc du label Savoyard. Donc, extrait de leur album Heavy Metal Howls, on va se faire le titre donc qui donne son titre à l'album de Midnight Race. Fire. What do we all have whispering? heavy metal, ça c'était Witchspell, un groupe qui nous vient donc du Mexique, et c'est extrait de leur premier album éponyme qui était sorti en 2021, c'était King in Exile. Et juste avant, venu d'Équateur et aussi camarade d'écurie de Witchspell, puisqu'ils sont tous les deux signés, donc c'est Steel Shark, c'était donc Midnight Race avec Heavy Metal Holes, donc qui donne son titre à leur premier album sorti il y a quelques semaines. Eh bien, on va revenir maintenant à l'album de Michael Schenker où il revisite ses grands classiques de UFO. Et pour ce soir, bah tiens, on va se faire un petit extrait donc de Forsyth avec Mother Mary, où le guitariste germanique s'est accoquiné avec Slash et l'ancien chanteur de Skid Row Eric Grönwall, qui d'ailleurs il a profité pour l'embaucher pour son prochain disque du MSG. Allez, on découvre ça tout de suite. We'll be right back. petit voyage dans le temps puisqu'on était en 82, année où Rainbow sortait l'album Straight Between the Eyes et c'était Power. Donc juste avant Rainbow, c'était relecture des classiques de UFO avec Michael Schenker et son Mother Mary sur Myers with UFO avec le chanteur Eric Gronwald. Ben, on a juste le temps de se faire un petit morceau très court. On va se revenir au punkette de The Darts et leur album Boomerang sorti au printemps dernier. On va terminer l'émission avec Your Show. I don't wanna go to your show. When I see you up there, I don't know what to do with myself. Oh, oh, oh. I don't wanna hear your new song. It's not about me and it feels so wrong. I stay home by myself. Show de The Darts, voilà donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci encore d'avoir été à l'écoute de ce magazine du métal. Bon, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, surtout que la semaine prochaine ce sera l'émission anniversaire. Et oui, Electric Shock célébrera ses 19 ans d'existence. Et ouais, et oui, mine de rien. Mais restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel, car un autre Christophe succède à un autre Christophe. Les amis Nightclubbers vont être contents. Je ne sais pas ce qu'il a à nous proposer ce soir, mais à mon avis, ça va être de l'inédit. On va voir ça. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Un set house. Bon, pour l'inédit, je ne sais pas, mais un peu moins de titres que d'habitude, mais ouais, pas mal de nouveautés. Première écoute, premier mix. Voilà. Voilà donc. Bah, j'aime bien faire ça, mais on peut se faire surprendre, mais. De l'avant-première, c'est ça l'intérêt du live. Ouais. C'est être surpris. Yes. Donc, amis Nightclubbers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Moi, je vous dis à mardi prochain. Salut à tous!